d'achèvement puisse porter une voix un peu plus forte. Et c'est bien parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont présents aux assemblées générales, sauf que c'est pas encore assez. Je pense qu'il faudrait toucher un maximum de départements. Les départements de lettres sont nombreux, c'est bien, sauf que je dirais qu'on essaie de toucher les départements de sciences, même si c'est plus compliqué, que de STAPS, parce qu'ils sont nombreux et qu'ils sont quand même assez influents. Il faudrait essayer de faire des mobilisations qui soient visibles à l'université pour que les étudiants le voient, en fait. Parce qu'une assemblée générale, c'est bien, mais on est dans un ancien, enfermé. Et quand on passe à l'extérieur, on ne sait pas forcément que c'est une assemblée générale. Il faudrait que ce soit plus visible.